Micro ouvert. Le 17 juillet 1969, la fusée Apollo 11 quittait la Terre et 4 jours plus tard, 600 millions de téléspectateurs assistaient en direct au premier pas d'un homme sur la Lune, donnant à cet événement déjà extraordinaire une profondeur et un sens nouveau. Et voici la couleur, au jour fixé et à l'heure dite. Mesdames, mademoiselles, messieurs, vous qui maintenant nous voyez tels que nous sommes, vous cesserez très vite, je le sais bien, d'être sensible à la magie de la chose. Et vous trouverez bientôt tout à fait naturel de voir la vie avec ses couleurs envahir vos écrans. Je voudrais tout de même vous demander, au moins en ce premier jour, de considérer qu'il s'agit là d'un tour de force technique et d'une petite révolution. Je voudrais donc d'abord remercier ceux qui ont rendu possible cette mutation décisive dans l'histoire de notre télévision. D'abord, l'inventeur, Monsieur Henri de France, inventeur du procédé français SECAM, puis tous ceux, ingénieurs, techniciens, ouvriers, qui ont contribué à la mise au point technique et industrielle de cette invention, puis les industriels français qui ont réussi à mettre sur le marché, à la date convenue, leur premier récepteur, et cela n'a pas été facile, je le sais. Et enfin, bien entendu, l'ORTF représentée autour de moi, qui, depuis des années, préparait ce rendez-vous. Ce rendez-vous, il a fallu pour le tenir beaucoup d'efforts à tous, et encore une fois, je les en remercie. Je sais bien que, pour l'instant, nos images en couleur ne sont accessibles qu'à quelques privilégiés, et qu'elles ont un certain caractère confidentiel encore, mais je veux espérer que l'engouement du public, la qualité des programmes que l'ORTF vous proposera, et aussi le désir qu'a le gouvernement de faire en sorte que la télévision en couleur soit un phénomène populaire, modifieront profondément les conditions du marché et rendront accessible la télévision en couleur au plus grand nombre des Français. Avant de passer la parole à M. Jacques-Bernard Dupont, directeur général de l'ORTF, je voudrais tout de même présenter 2 brèves remarques. La première, c'est que la télévision en couleur, c'est une révolution technique, mais aussi une révolution dans notre manière de voir, c'est-à-dire de penser et de sentir. C'est une révolution artistique également, car la couleur, ce n'est pas le noir et le blanc colorié, c'est quelque chose de nouveau et de différent. Et cela va poser aux artistes, aux réalisateurs de l'ORTF, aussi bien qu'aux techniciens, des problèmes nouveaux et difficiles. Encore une fois, c'est une opération difficile que nous entreprenons ici. Ma deuxième remarque se doublera d'un vœu. Il est bon de constater que l'image la plus belle, la plus chatoyante, l'image en couleur, est en même temps la plus vraie et la plus proche de la vie, et qui est en couleur. C'est là un symbole assez encourageant pour un ministre de l'Information et pour un gouvernement. Je veux donc souhaiter du fond du cœur, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que votre vie quotidienne soit de plus en plus vraie, de plus en plus belle et de plus en plus colorée. Et pour le reste, à vous de juger, comme le disait Léonard de Vinci, l'œil se trompe moins que l'esprit. Pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre, pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. C'est avec cette phrase de Patrick Lelay prononcée en juillet 2004 que Christophe Nick s'est demandé jusqu'où pouvait aller la télé. En effet, depuis les années 80, le divertissement sur petit écran ne trouve plus sa force dans la moralité ou l'émotion, mais dans l'excitation de nos pulsions primitives. Sexe, violence, cruauté, humiliation, le cocktail parfait pour une audience assujettie à une logique économique plus que culturelle. Prochaine étape sur vos écrans HD, peut-être la mort, en direct. Tout de suite, dans Infrarouge, ménagez vos derniers neurones encore disponibles. Du psycho-voyeuriste de 1983 au loft exhibitionniste des années 2000, en route pour la transgression de tous les tabous. Voilà, mon appareil commence à devenir vieux, ça enregistre. Mon appareil commence à devenir vieux et donc il réagit moins bien comme ça. Mais il reste fiable, hein, ça donne un joli son. Enchanté Guillermo, ton nom de famille. Koslowski. Il est balèze, hein. Il est compliqué. D'ailleurs, moi-même, je ne suis pas sûr de le prononcer très bien. C'est quoi comme nom Écoute, ça vient d'où? Il vient d'un grand-père qui est polonais, mais moi, je suis né en Argentine et je ne l'ai pas connu, mon grand-père. Donc, honnêtement, je ne sais même pas comment ça se prononce en polonais. Je le prononce dans une sorte de polonais argentinisé, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est pas mal le mélange. Donc on est à la médiathèque, Guillermo, et l'idée c'est de faire ta rencontre et aussi surtout tes écrits. Tu es philosophe-chercheur, je me trompe ? Non, je ne me trompe pas, c'est effectivement ce que j'ai fait. oui, j'étudie la philosophie et voilà, j'essaie dans la philosophie effectivement d'avoir une attitude un peu des chercheurs, enfin pas celui qui fait gardien du temple, qui rappelle les phrases des ancêtres, mais effectivement avoir une position de recherche, de me dire voilà, dans les situations dans lesquelles on est, quelles questions se posent, d'être un peu à la recherche, essayer de pêcher des questions ici ou là, donc toujours un peu aux aguets comme ça quand il y a des questions qui traînent. Et essayer de travailler à partir de ça. En tout cas, moi, j'ai pu lire quelques articles, comment mentir, comment devenir fou aujourd'hui. La vérité n'est jamais ailleurs. Et puis le reste, bon, c'est encore à découvrir. Mais sur les trois articles, là, j'aime vraiment bien ta pensée. Elle est... Enfin, voilà, après, ce serait chouette de rentrer dedans. Hein, mais je l'ai bien aimée parce qu'elle n'est pas catégorique, elle est fine. Elle va aussi à l'encontre un peu de notre système avec une pensée unique comme ça. Tu rappelles aussi l'histoire. Enfin, voilà, c'est subtil, quoi. C'est pas, ça fait du bien. Ça fait du bien à la pensée de lire des choses comme ça aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de dire ? Bah, je pense, merci beaucoup. C'est pas vrai, tu pourrais me dire. Hein. Écoute, je pense que c'est pas vrai, mais ça me fait quand même très plaisir. Et si ça pouvait être un peu vrai, voilà, je pense que ce serait pas mal du tout. En tout cas, c'était un peu ça l'intention, effectivement, au départ. Et moi, je suis contente, il y a encore d'autres choses à lire, d'autres articles à lire. Donc voilà, je me fais une joie de lire ces pensées, quoi, cette recherche aussi. Et donc toi, tu as enfin, un petit fascicule comme ça qui s'appelle « Autre image ». Alors, comment on aborderait les choses? Est-ce que tu as envie d'aborder les 6 articles ou bien tu en as un que tu as envie de développer un peu plus ou, parce que c'est... Enfin, voilà. Comment on aborderait les choses? Non, je pense qu'on peut... Il y a des thématiques qui se recoupent. Je pense qu'on peut plutôt travailler à partir des thématiques, mais je crois qu'elles se retrouvent d'une manière ou d'une autre dans les différents articles. Bon, juste comme ça pour préciser, il faut dire que c'est des articles que j'ai écrits à des moments assez différents. Je crois qu'il y a sur 2-3 ans ces articles-là. Certains sont des demandes pour un événement, pour une revue, etc. D'autres, c'est moi qui les ai écrits directement comme ça, etc. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai l'impression qu'il y a des thématiques qui se retrouvent un peu partout. Dans ces articles-là. Voilà, je pense que aborder différentes manières, avec plus d'emphase sur l'une ou l'autre question, etc. Mais j'ai l'impression que il y a des choses qui reviennent pas mal. Donc les grosses questions qui me tracassaient là reviennent un peu dans les différents articles. Donc je pense que l'une ou l'autre reviendront à peu près au même au bout d'un moment. Mais peut-être, si tu disais que tu avais regardé les premiers articles, etc., peut-être on peut partir de là et prendre peut-être les premiers, les deuxièmes articles. Je ne sais pas s'il y a des questions comme ça qui... Ah oui, j'aurais peut-être dû alors souligner les choses qui m'intéressaient. Ça aurait fait... Mais non, mais il y a par exemple... Mais tout ne part pas de... Enfin, ce petit... Ça s'appelle « autre image » au pluriel. Ça part... quand même de films à la base, ou tous les articles. Oui, il y a ça en commun, entre autres choses. Mais peut-être, ça peut être un premier point, pourquoi avoir été cherché là et d'où ça venait cet intérêt-là. Je pense qu'il y a plusieurs choses. D'une part, il y a une question qui me semble importante, qu'en général, elle est éludée ou jugée non pertinente quand on fait la recherche, qui est de dire c'est aussi parce que ça m'intéresse en fait. C'est-à-dire qu'il y a une question d'affinité élective, ça m'intéressait. Enfin, j'aime bien ces films-là, donc j'avais regardé ces films-là et j'avais envie de travailler à partir de ça. Et je pense que c'est quelque chose qui finalement ajoute beaucoup à la recherche, d'être dans des choses qui motivent. Bah oui, c'est la base, je trouve. Je crois, mais ce n'est pas toujours abordé comme ça. Donc il y a cet élément-là. Après, il y a autre chose peut-être un peu plus... un peu différente, qui est que... moi je travaille dans le cadre de ce qu'on appelle l'éducation populaire, qui aujourd'hui veut dire tout et n'importe quoi, mais qui, en tout cas en Amérique latine, avait un sens. Hein. Enfin, Paulo Freire, les gens comme ça, etc., ça avait un sens. Plus aujourd'hui ? Je pense que Paulo Freire continue à avoir un sens aujourd'hui. C'est un peu ça que j'essaie de développer, c'est que... cette idée-là, ou l'idée, disons, plus du côté philosophique qui venait des gens comme Michel Foucault ici, etc. Donc l'idée que les gens ont un savoir, que ce savoir est pertinent, que ce savoir a été dévalorisé, que révaloriser les savoirs des savoirs non formalisés, etc., était un geste politique majeur, etc., qu'il y avait une vraie question de pouvoir qui s'est jouée là, que ce n'était pas juste reconnaître que les gens savent un peu ou leur dire gentiment qu'ils savent, etc., que c'était une vraie question politique. Je pense que tout ceci a un peu de tendance aujourd'hui à être dissous sur le fait que tout le monde dit il faut que les gens participent. C'est devenu... Quand tu parles des gens pour qu'on ait un repère... Quand tu parles des gens, c'est les gens comme toi et moi, les gens de la rue, les gens en général, les gens Tout à fait, je veux dire, n'importe quelle marque aujourd'hui veut que les consommateurs lui disent ce qu'ils pensent de leurs produits, n'importe quel politicien, ce qui n'est pas très loin d'être une marque aussi, veulent que les gens leur donnent des retours sur ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas. Il y a une quinzaine d'années, la réforme vraiment néolibérale de tout ce qui était secteur associatif, non marchand, etc., est passée, ce qu'on avait appelé à l'époque l'État social actif. Dans le texte qui présente l'État social actif, M. Van de Broek, qui est vraiment la personne qui l'a mis en place, qui est un politicien flamand, socialiste flamand, qui était ministre à l'époque. Donc c'est lui qui a mis cette réforme en place. C'est un type assez intéressant, c'est assez rare dans le paysage politique belge parce que c'est quelqu'un de très intelligent. Je ris. C'est vrai. Et il faut reconnaître que tout social-libéral qu'il est, il est quand même intelligent. Et son texte, c'est un des rares textes qui, tout en étant horrible par ce qu'il propose, est un prétexte politique. C'est-à-dire qu'il dit exactement, c'est ça que j'entends par état social actif, etc. C'est ça que je veux faire. Mais donc, c'est quoi exactement, Guillermo ? Ce qu'il entend, c'est notamment l'idée que... tout ce qui est sécurité sociale, etc., doit fonctionner non plus comme un droit, mais comme une sorte de motivation pour que les gens se rapprochent d'une manière ou d'une autre du marché de l'emploi. C'est-à-dire qu'ils se pensent eux-mêmes d'une manière ou d'une autre comme une petite entreprise en concurrence avec d'autres petites entreprises, etc. Et l'une des choses qu'il avance en ce sens-là, il avance beaucoup, mais il y en a une qu'il met en avant, c'est qu'il faut que les gens participent de plus en plus à la vie publique, etc., qu'ils soient dans nos associations, etc. Ça les intéresse beaucoup que les gens participent. Ça intéresse tout le monde que les gens participent. Dans les milieux associatifs, c'est devenu une espèce de course à trouver des gens qui viennent participer aux activités. Parfois complètement délirante. Vraiment, on ne sait plus comment appâter quelqu'un pour qu'il vienne participer aux activités, pour qu'après on puisse dire qu'il y a des gens qui ont participé. Le nombre, du coup, on calcule le nombre de gens. Enfin, pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi on fait en sorte qu'on se branche sur le nombre de gens qui viennent participer? Écoute, c'est le nombre, mais bon, c'est aussi toutes sortes de... des manières de qualifier ces gens-là, bon, c'est toutes les histoires, il faut qu'il y ait mixité sociale, on ne sait pas qu'est-ce que c'est que mixité sociale, on ne sait pas pourquoi, personne n'a réfléchi à en quoi le fait que les gens rencontrent des gens d'autres origines serait très important ou pas important, je ne sais pas quoi, mais il faut qu'il y ait mixité sociale, d'âge, etc. Donc il faut... Donc il n'y a pas que des critères quantitatifs, il y a aussi des sortes des critères qualitatifs qui ont été mis en place, mais cette espèce des justifications, c'est... Enfin, il faut justifier les activités par le fait qu'on a touché tant et tant des gens, etc. Et c'est vrai que d'une certaine manière, ça rejoint cette autre question qui était celle des savoirs minoritaires, les gens savent des choses, ramener ce que les gens savent de leur vie est important, etc. Et en même temps, dans tous ces mélanges, il me semblait que c'était pas si simple que ça et que c'était peut-être intéressant d'un peu moins mélanger les choses. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ouais, les gens d'un côté. Parce qu'il ne faut pas perdre le fil, hein. Essayez de tenir... C'est-à-dire, j'essaie d'expliquer, ouais. Peut-être c'était là où il y avait la question des images, c'est-à-dire qu'en général, ce qui finit par se passer, c'est que ce qui compte, c'est qu'est-ce que dans un dossier va passer des activités qui ont été faites, ou qu'est-ce qu'un statisticien va sortir des activités qui étaient faites, ou qu'est-ce que... c'est-à-dire qu'on va ramener des gens et on va essayer de traduire ce qu'ils ont dit. Or, ce qui m'intéressait dans le travail des images et dans tout le travail des cinéastes, c'est que, d'une part, depuis longtemps dans le cinéma, on travaille avec des gens, puisque quand on filme, on est obligé d'une manière ou d'une autre de se coltiner le fait que les gens sont là et qu'ils ont un corps et que voilà... Des gens ou des comédiens, des comédiens, des tout, mais y compris des gens, puisque quand on filme dans la rue, il y a des gens, puisqu'assez vite on a voulu faire des documentaires, et donc il y avait des gens, puisqu'assez vite on s'est demandé, ok, d'accord, c'est des comédiens, mais aussi ils jouent un rôle, etc. Donc il me semblait intéressant d'aller chercher de ces côtés-là. D'une part, je dis parce que des gens comme Rouge, etc., dont je parle beaucoup, avaient vraiment travaillé sur le fait de qu'est-ce que ça signifie concrètement de participer. C'est-à-dire quand quelqu'un est là, ok, il est là, mais c'est moi qui filme, c'est moi qui monte, mais en même temps, la personne est là, donc je dois me coltiner cette personne-là. Je veux dire, bon, Balzac, il n'a pas ces problèmes-là. C'est-à-dire, Balzac, il peut écrire dans la rue, il y avait un type qui était gros et qui marchait là, mais... Quand on le filme, ben, soit on met le type qui est gros, alors du coup, il y a quand même le fait que c'est nous qui l'avons mis, soit il est là, mais peut-être qu'il est gros, mais il a trop de cheveux par rapport à ce qu'on imaginait. Donc on est quand même obligé de se coltiner que le fait que ben, les gens ont un corps. Et quoi, si je comprends bien, c'est faire avec le réel ? Un tout petit peu ça. Oui, je pense que c'est un peu de ça qui... Enfin, qui... faire avec ce réel-là, quoi. Oui, c'est coltiner avec le fait qu'effectivement, le réel résiste un peu. Et qui me semblait être effectivement la piste intéressante sur cette histoire de participation, là où on peut diviser les eaux, dans le sens où très fort dans la question de traduire ce que les gens veulent, ce qui disparaît, c'est le réel, puisque à force de traduire, finalement, on finit par dire un peu ce qu'on veut. Et que les gens servent à la fois à justifier ce qu'on va dire, parce qu'on le dit au nom des gens, voilà, c'est les gens qui ont voulu, nous avons traduit ce que les gens ont dit. Et c'est, nous avons traduit ce que les gens ont dit, me semble compliqué. D'où cette volonté d'aller regarder là, aller regarder, ok, quand on ne peut pas traduire si fort, et surtout quand on a cherché à voir qu'est-ce qui restait, qu'est-ce qui restait pas, où est-ce qu'il y avait rencontre, où est-ce qu'il y avait écrasé, lisé, etc. D'où, c'est, entre autres, c'est cette question d'aller chercher dans le cinéma. Waouh, oui. Et c'est pas n'importe quel cinéma. Hein? C'est comme tu as dit, il y a du Jean Rouch, pour déjà connaître. Enfin, ça, c'est très. Mais tout le monde connaît. Mais c'est pas du cinéma consommatoire, quoi. C'est déjà. Enfin, voilà, il faut avoir un pied. Tu comprends ce que je veux dire? C'est très. Moi, quand on dit Jean Rouch, ça me fait rigoler parce que ça cible aussi une certaine sorte de gens, quoi. Fellini aussi, c'est un certain genre de film aussi. Tu es d'accord avec ça? Tout à fait, oui. C'est un certain genre. Après, peut-être, qu'est-ce que j'aimerais, c'est que ce ne soit pas si certain genre. Ça, on sait. Mais. C'est un certain public, quoi, ces films-là, ces images-là. Mais. C'est aussi, je pense, un des éléments. C'est-à-dire que il me semble que par rapport à toute cette question de comment les gens participent, est-ce que les gens participent, qui participent, comment on les fait participer, etc., qu'il y a une question qui finalement n'est pas si limitée, ne serait-ce que parce que sur Internet, on n'arrête pas de demander aux gens de participer, parce qu'on leur dit qu'ils ont participé, parce que des algorithmes gèrent les choses en disant que c'est eux qui ont décidé, etc. Donc, que ces questions-là, qui ne sont pas des questions, cloisonnées ou extrêmement déliées de ce qu'on vit dans notre vie quotidienne, il me semble que dire, je ne sais pas, en regardant dans les films des Rouges, il y a peut-être quelque chose à faire. Enfin, c'est vrai que les films des Rouges, c'est parce qu'ils passent à la télé tous les jours, mais c'est vrai aussi que c'est à peu près est facilement trouvable sur Internet aussi. Oui, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'avoir les références, de connaître. Enfin, tu vois, évidemment que tout est trouvable, mais après, il faut avoir l'information. Moi, j'avais envie de dire ça. C'est-à-dire que c'est pas des films... c'est très... Comment je pourrais trouver le mot c'est très ciblé, quoi, les films de Jean Rouch, les films de Fellini. C'est pas grand public, quoi, on va dire ça comme ça. Non, mais... Peut-être, c'était... Disons que si ça marche, je serais déjà heureux. Si ça marche. Disons dire justement aller un tout petit peu regarder là, parce que contrairement aux images qu'on peut avoir. C'est-à-dire, contrairement à ces images qu'on peut avoir. L'idée que les films de Rouch seraient très difficiles, ce qui n'est pas le cas, ce sont souvent des films plutôt assez drôles. Je veux dire, pour les avoir passés ici ou là, hein, je crois que c'est des films qui se regardent. Alors oui, évidemment, ça ne se regarde pas pareil que Superman contre Batman. Mais bon, ça n'empêche pas de regarder Superman contre Batman si on a envie. Moi, ce que je voulais juste dire, c'est que c'est un certain public, voilà. C'est ça que je veux juste dire. C'est certaines images aussi. Voilà, c'est ça que j'avais envie de dire. Tout à fait. Mais je pense, et c'est ça, je crois qu'il y a un travail qui reste à faire, de dire, mais ça parle de notre quotidien, ces films-là. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on peut imaginer, justement, ce sont ces films-là qui parlent de notre quotidien, de ce qui nous arrive un peu. Mais tu es d'accord que, par exemple, quand Jean Rouch met sa caméra, qu'il fait du documentaire, quoi, il veut essayer de capter ce réel le plus proche possible. Est-ce que tu es d'accord? Oui, Guillermo me fait signe de la tête que oui. Mais déjà mettre sa caméra, ça change la donne. Tu es d'accord avec ça aussi? Tout à fait, mais aussi je pense que c'est pour ça que c'est un type intéressant, parce qu'il se pose la question, c'est-à-dire qu'évidemment on pourrait dire ça change rien, mais lui on le voit, Il est là avec sa caméra, il n'essaye pas de disparaître dans l'histoire, etc. Donc c'est ça qui change. Pour revenir, parce qu'on a ça devant la tête, mais devant les yeux, mais... C'est-à-dire ton petit fascicule. L'histoire des vérités, pas vérités, etc. Justement, ce qu'il essaie de dire, c'est pas je filme les vrais, mais voilà dans quelle situation je suis. Voilà ce que je suis en train de faire. Et je crois que c'est par là que la rencontre est possible. Il ne dit pas je suis un ghanéen, par exemple, etc. Quoi t'as dit ? Un ghanéen, parce que quand il filme au Ghana, par exemple, un de ses films les plus célèbres, qui est Le Maître Fou, qui est filmé au Ghana, il ne dit pas je viens du Ghana. Il dit je filme les gens du Ghana. Et donc la question qui me semble intéressante là, c'est qu'il y a la rencontre possible. Mais la rencontre possible avec la distance aussi. Donc du coup, par rapport au fait qu'il va placer sa caméra, je crois que la question, c'est pas comme on n'arrête pas de faire souvent, de se torturer en disant que ce sera jamais, voilà, et que ce sera jamais la vérité, que ce sera jamais la traduction parfaite des gens, etc. Non, je crois que la question est de dire, voilà ce qui est Ponce Rouge. Et voilà ce qu'il filme, et entre les deux, il y a un espace, et dans cet espace-là, nous, on peut penser un peu. Oui, nous, on peut penser un peu. C'est ça qui est intéressant. Je pense, oui. Je crois que c'est ça qui est intéressant avec Rouge. C'est aussi pour ça, parce que c'est vrai que ce n'est pas un cinéaste africain, c'est quelque chose qu'on m'a dit, oui, mais pourquoi pas choisir un cinéaste africain bon, aussi, c'est possible, enfin, je le ferai à d'autres moments, mais ce qui m'intéressait chez Rouge, c'est que justement, il n'est pas un cinéaste africain. Comme, voilà, comme tout un tas de gens qui veulent des rencontres, etc. Ben voilà. Mais il pense comment une rencontre est possible, comment il y a moyen de laisser une distance pour que cette rencontre soit possible. Donc là, c'est un sujet bien particulier. Hein. Comment mentir, éloge des menteurs et des mensonges chez Fellini ? Comment tu résumerais un peu ce que tu avais envie de raconter là-dedans ? Alors ça, c'était... en fait, c'était une demande au départ, c'était à quoi pouvait servir la télévision. Bon, je ne sais pas, c'est vrai que c'était un peu étrange, parce que la personne qui m'a demandé ne regarde pas beaucoup la télévision, je me... pas si on en a une, moi j'en ai pas. c'est génial comme question, moi je trouve. Voilà. C'est intéressant, quoi. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas regardé la télévision, donc j'ai pas trop. Mais ce qui, alors du coup, voilà, j'étais parti donc de cette idée. Bon, qu'est-ce qui me semblait différente. Enfin, qu'est-ce qui me posait problème finalement dans la télévision à moi? À toi personnellement ? À moi, et puis là il y avait donc ces deux films de Fellini, Ginger and Fred et comment ça s'appelle, Intervista, qui sont deux films qui se suivent et qui sont un peu croisés, donc vraiment à la fin des travaux de Fellini. Et donc un, c'est la télévision qui vient interviewer Fellini en train de faire un film. Et l'autre, c'est Fellini qui filme, inventé bien entendu, hein, tous les deux sont des fictions, une espèce de mission comme ça. Je ne sais pas si en Belgique il y avait ça, visiblement en Italie il y a ça, en Argentine il y avait la même chose. Une espèce de longues émissions du dimanche après-midi, ou une espèce de cours des miracles comme ça, où de toutes sortes de personnages bizarres se succèdent et viennent raconter des choses, ou faire des petits sketchs ou des petits trucs, enfin bref. Donc bon, voilà, il filme ça. Et donc bon, c'est une espèce de croisée. L'un, c'est Fellini en tant que cinéaste qui va à la télévision. L'autre, c'est une espèce de fausse équipe de télévision en train de filmer un faux film de Fellini, etc., filmé par Fellini. Et ce qui me plaisait, c'est cette idée que la différence était que à la télévision, on n'arrête pas de dire qu'on va vous raconter la vérité. Et qu'au cinéma, en tout cas, bon cinéma, mais c'est en général toujours le cas, même les mauvais cinémas, c'est un peu ça. On raconte des histoires, donc les problèmes, c'est plus qu'elles soient vraies ou pas. Mais quelque part, oui, pour faire référence à aujourd'hui, ça nous arrange bien de croire, par exemple, que la télévision dit la vérité ou que le cinéma raconte la vérité. Ça nous arrange bien. Oui, mais c'est un peu de ça que j'étais parti. C'est-à-dire que il y a un peu cette croyance que les problèmes avec la télévision, enfin, ou ce que la télévision devrait faire, c'est raconter la vérité. Alors, il y a ceux qui croient qu'elle nous raconte, la plupart qui se rendent compte quand même, c'est pas tout à fait le cas. Mais il y a quand même la croyance qu'elle pourrait la raconter et qu'elle pourrait raconter la vérité, la télévision, et qu'alors, du coup, on aurait tous les informations qu'il faut pour se débrouiller dans la vie et que le monde serait juste et démocratique. Ouais, mais ça, moi, j'aurais envie d'y croire, hein, ça. Ça, c'est encore autre chose. Oui, ça, j'aurais envie d'y croire, de créer du média, un média vraiment proche des gens, ouvert, parce qu'il est de moins en moins aujourd'hui, quoi, cette espèce de média, tu vois, où ça, qui est dominé par l'argent, enfin, qui nous montre une facette, mais qui est déconnectée de la rue. Tu crois pas, toi, qu'il y a moyen de faire du média proche des gens, avec, tu sais, de l'éducation, des valeurs, enfin, nous apprendre, oui, pouvoir apprendre plein de choses quand tu regardes les médias, quoi. Oui, mais c'est peut-être ça la question, de comment ça c'est possible. Et ce que je pense, c'est que c'est possible à partir du moment où on va pas juste chercher la vérité, mais essayer de comprendre comment cette vérité est construite. Et c'est ça, à mon avis, qui manque un tout petit peu dans une certaine critique des médias, qui en général vient des médias eux-mêmes. C'est non pas seulement si ce qui est dit est vrai ou pas, mais comment on construit une certaine vérité. Qu'est-ce qui fait que cette vérité, c'est ceci. C'est comme ça qu'on va penser la vérité de quelque chose. C'est réfléchir à ce qui est dit et pourquoi c'est dit et comment c'est dit. Alors, c'est ça que tu veux dire ? Mais c'est que les points de vue même qu'on va avoir est déjà va déterminer ce qui est possible ou pas. Tu vois, par exemple... dans les films, là, il y a une question qui revenait, c'était celle... Dans le film Dans les films des Rouges, dans ouais. Un autre. Dans Petit à Petit, c'était comme ça. Il y a un moment donné où ils se mettent à, en quelque sorte, parodier les savoirs des Blancs. Donc, c'est assez intéressant, là, pour le coup, qu'il y ait des images, parce que... On les voit, ils s'assiedent comme ça au milieu de leur marché, ils mettent un téléphone, un petit drapeau, il y en a un qui joue l'officier blanc, etc. Et ils se mettent à parler comme des Blancs. Et bon, c'est une scène qui est assez drôle. Et à un moment donné, il y en a un qui a un problème avec un hippopotame, donc il vient voir l'autorité et lui demander « Mais alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'hippopotame ?» Et alors, du coup, il a une espèce de secrétaire comme ça, comme on le blanc, et le secrétaire, il ouvre un livre. Pas tous les Blancs, t'es d'accord, hein. Non, mais... tous les Blancs n'ont pas des secrétaires. Hein. Tout à fait, non, mais je pense que... Mais Blanc, il faut l'entendre au sens des savoirs majoritaires. Mais il faut le dire alors, tout je trouve. Fait. Et pas au sens forcément de la mélanine, même si ça correspond pas mal. Et donc, bon, voilà, son secrétaire, là, parce que c'est, voilà, ils font très officiellement, comme font les colons. Hein, donc, il dit, bah, un hippopotame, c'est un mammifère, etc. Il lui faut une description. Et donc, c'est vrai. Je veux dire, pourquoi pas? Oui, effectivement, l'hippopotame, c'est un mammifère, je ne sais plus. Il fait toute la description zoologique, enfin, biologique de l'hippopotame. Enfin, voilà, c'est vrai. Mais les problèmes n'est pas là. Les problèmes, c'est que pourquoi à ce moment-là on va faire appel à ce type de savoir-là, puisque c'était pas celui-là qui était intéressant. Même chose, par exemple, quand maintenant les gens se présentent, par exemple, à la télévision, etc. On va leur demander, en gros, on va leur demander de se présenter de la même manière que demande de se présenter les DRH ou que demande de se présenter à l'école, etc. Maintenant, qui est, quelles sont vos compétences? Donc les gens, ils vont dire, voilà, je sais pas, je sais parler en public, puisque ça, c'est un peu la compétence comme ça, universelle, ce qu'il faut faire, je sais faire des blagues rigolotes, je sais pas ce que je sais faire, je sais pas, je sais sauter sur une jambe, bref. Mais juste prenons compte, enfin juste se dire que une personne est cette espèce d'assemblage comme ça, des compétences un peu comme des compétences un peu modulaires comme ça, comme les meubles IKEA. Bon, juste ces points de vue sur quelqu'un, donc dire quelqu'un, voilà, c'est un certain nombre de compétences qu'on peut abstraire de la personne, qu'on peut assembler d'une manière ou d'une autre, qu'on peut composer pour faire tel ou tel profil, etc. Juste ça, juste ces points de vue sur le monde, juste dire la vérité, c'est joue dans ces termes-là. Bon, bah, c'est déjà beaucoup avancé, en fait. Déjà beaucoup, quoi ? C'est déjà beaucoup avancé, c'est-à-dire que c'est déjà... placer quelqu'un dans un moule, quoi, c'est ça en fait que tu expliques, c'est mettre quelqu'un, mettre le monde, la pensée dans un moule, quoi. Voilà, c'est les placer dans un certain univers, le dire, voilà, c'est tu peux faire ce que tu veux, mais dans cet univers là alors la question est ok, dans cet univers là mais dans cet univers là bah, on ne peut qu'être esclave. D'où la différence, d'où cette idée. Bon, peut-être pas forcément du mensonge, c'est un peu une blague dans le mensonge, parce que dans Intervista, ils n'arrêtent pas de rigoler avec ça, de se dire qu'ils sont tous des menteurs. Et effectivement, ça, c'est dans Fellini, alors. Dans Fellini, dans Intervista, qui est un très beau film, vraiment un très très beau film. Donc il y a Mastroianni, il y a Fellini, il y a Anita Ekberg, tous, ils vont se présenter comme étant eux des menteurs. Et revendiquant ça. Et menteur, pourquoi ? Parce qu'il raconte des histoires. Mais je crois que c'est par là que, qu'il y a une sorte de... finalement, la possibilité d'inventer soi-même le monde dans lequel on va se placer. Voilà. Là, ici. C'est un monsieur qui travaille à la... Vous allez faire du bruit ? Allez-y, allez-y. Voilà. C'est super. Mais comment on fait, Guillermo, pour ne pas se sentir esclave ? Comment tu fais, toi Ça tombe... Oui, t'es esclave, je suis esclave, hein, mais... Comment faire pour ne pas se faire broyer par cette grosse machine, pour avoir sa propre pensée, pour sortir de ce carcan qui est étouffant ? Comment fait-on ? On regarde des films ? Pourquoi pas ? Pas n'importe lesquels, évidemment. Oh, je pense qu'on peut penser à partir d'à peu près n'importe quoi. Hein. C'est Après, l'avantage de prendre des gens comme Rouge ou comme Fellini et tout ça, c'est que... c'est qu'il y a déjà leur pensée à eux, en fait, et que leur pensée à eux va très loin et qu'elle est forte, quoi, qui en quelque sorte nous guide beaucoup plus. Après, je pense qu'effectivement on peut aller regarder Batman contre Superman et aussi avoir des choses à imaginer, mais il n'y a pas ces disons, il n'y a pas cette énergie là, il n'y a pas cette intelligence là. Donc voilà, après je pense qu'effectivement on peut, et la question c'est plutôt ça, plutôt penser à partir de là où on est, en fait. Hein, et penser au sens de, bah, essayer de voir un tout petit peu, bah, dans quel mécanisme on est, c'est-à-dire d'essayer que, voilà, on est esclave quand les choses nous arrivent, et que voilà, que tout d'un coup, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des choses qui nous arrivent. Parmi les choses qui nous arrivent, il y a certaines qui nous plaisent, d'autres qui nous déplaisent. Donc on essaye un tout petit peu, on est content quand il y en a quand il y a des choses qui nous plaisent, on râle quand il y a des choses qui nous déplaisent, etc. Je crois que simplement, la question est, mais c'est très facile à énoncer, et c'est une toute autre affaire d'y arriver, de voir un tout petit peu comment ces choses-là rentrent dans cet agent central, dans quel mécanisme. Attends, j'ai perdu le fil. Simplement ce qui nous arrive, je veux dire, par exemple, il y a quelques temps, d'ailleurs la brochure précédente qu'on avait faite, c'était sur la question du management. Par exemple, simplement comprendre que ce qui arrive souvent, c'est, je sais pas, on est là et puis tout d'un coup on a un chef un peu casse-pied, mais aussi on doit commencer à rendre compte de ce qu'on fait tous les 15 minutes, et on doit mettre en forme ce qu'on fait pour que ça rentre dans tel et tel moule, et on est évalué en permanence, et la manière d'évaluer n'est pas lié forcément à ce qu'on fait, mais à des critères abstraits, etc. Donc bon, tout un tas d'éléments qui arrivent à tout le monde. Ok. Mais tu parles du quotidien, là. Tu parles, alors on pourrait aller aussi vers la bouffe, tout est calibré, on pourrait aussi aller vers les vêtements, enfin, il y a plus... Hein? Totalement. Mais ce que je veux dire, c'est que bon, avec le management, on peut voir que tout ça t'arrive comme ça en général, mais ça arrive aux gens qui bossent, ça arrive au chômage, ça arrive à l'école, toute cette espèce de... Et donc, c'est dire, c'est la faute au nouveau chef qui est un abruti, ou c'est la faute à pas de chance, ou c'est la faute à que j'ai pas choisi un autre truc, etc. C'est la faute à qui alors ? Ou alors on peut essayer de comprendre un tout petit peu, je sais pas qui c'est la faute, mais... Il y a quand même un responsable, Guillermo. Certainement, moi je les connais pas. En tout cas... Mais ce que je veux dire, là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est essayer de comprendre un tout petit peu comment ça s'agence, qu'il y a une histoire de ça, que tout ceci s'agence d'une certaine manière, que ce n'est pas juste ça m'est arrivé à moi, qu'il y a quelque chose d'un peu plus... qu'il y a une histoire de ça. Quelque chose d'un peu plus global, général, que c'est pas simplement à moi personnellement que ça arrive, mais que c'est quelque chose de beaucoup plus large. C'est une pensée aussi, du coup. C'est une pensée qui est intéressante peut-être à aller voir comment elle est née, cette pensée, pourquoi elle est là, qu'est-ce qui se joue. C'est ça que tu veux expliquer ? Je ne sais pas si je dirais une pensée, mais qu'en tout cas, il y a des mécanismes, qu'il y a des choses qui s'agencent très bien entre elles, qui sont des mécanismes qui ne datent pas non plus d'il y a 2 ans. Et on ne peut pas la relier à une pensée ? Mais une pensée, pour moi, les problèmes, mais c'est la même... Alors tu penses à Dieu, alors, du coup ? Écoute, je ne pense pas souvent à Dieu, mais bon, après, ce serait un peu vache de les rendre responsables de ça. Je ne sais pas s'il y a pour quelque chose... Satan, oui, il est même pas présent. Je sais pas. Non, mais moi, ce que je veux dire en parlant de tout ça, j'entends bien, et je trouve que oui, du coup, c'est intéressant d'aller gratter pour comprendre qu'est-ce qui se passe, au fond, qu'est-ce qui se joue. C'est pas simplement, il faut pas être fataliste ou ne plus se poser de questions, il faut essayer de comprendre la machine dans laquelle on est. Moi, je trouve ça intéressant. Mais ça me vient comme ça aussi, du coup, j'y avais pas vraiment réfléchi, mais ça donne envie, alors, du coup, de remonter dans le temps, de réfléchir. Enfin, il y a toute une histoire, notre monde a une histoire avec des hommes et des femmes sur cette terre qui ont fait des choix, qui ont décidé des choses. Alors peut-être des fois, c'était pas forcément ce qui se voulait, mais ça pose quand même la question de notre responsabilité à tous, tu vois. Par exemple, il y a cette histoire du monde, quoi, qui fait par exemple des histoires assez horribles, sur l'esclavagisme. On parle de Jean Rouch, mais on pourrait aussi parler du rapport des hommes blancs et des hommes noirs, des Indiens aussi. Enfin, c'est quand même la cata. C'est quand même la cata. Et c'est une histoire, c'est notre histoire. Et puis l'histoire, elle continue. Et aujourd'hui, on est ici en 2017. Et tu vois, c'est intéressant de comprendre ce qui s'est joué, ce qui se joue, ce qui se rejoue. Enfin voilà, moi ça me vient comme ça. C'est... Et alors, on aurait tendance à parler que, ben ouais, il n'y a pas de responsable. Mais peut-être qu'au bout du bout, si tu grattes et si tu réfléchis un peu aux choses, il y a quand même des... Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a quand même des hommes et des femmes qui prônent un certain système, quoi, qui le mettent en avant. Je veux dire, regarde aujourd'hui en Belgique, il y a un gouvernement qui est en place. C'est énorme ce qui se passe, quoi. Mais on en parle par-ci, par-là, puis tu sais, il y a la publicité, puis il y a le temps qui passe, et on doit se grouiller, mais c'est quand même énorme ce qui se passe par rapport aux personnes qui sont sans papier, enfin, tu vois, avec ces nouvelles lois qui sont coupées à se mettre petit à petit en route, enfin voilà. Je dis plein de choses comme ça. Tout à fait. Oui, il y a plein de choses dans ce que tu dis. Mais je pense que... Il faut pouvoir se battre aussi à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un gouvernement de droite, etc., qui succède à un autre gouvernement qui n'était pas non plus, franchement, extrêmement sympathique. Et qu'effectivement, bon, il y a un combat à mener à ces niveaux-là. Je voulais te dire, il reste 15 minutes. Comme là, tu es 15-20 minutes. Et donc, je pense qu'il y a effectivement ces niveaux-là. Après, je pense que sur des questions comme bêtement, le management ou plein d'autres, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas de responsables, c'est-à-dire que ceux qui participent ne sont pas responsables de ça. Ils le sont. Ce que je pense, c'est que... Et c'est pour ça que j'essayais de te dire une pensée, ça me semblait un peu trop, c'est que je ne vois pas derrière comme quelque chose de maîtrisé, que quelqu'un pourrait mettre en place, que ça pourrait être... Mais il y a quand même une volonté, moi je trouve qu'il y a quand même une volonté de faire, on dit toujours oui, mais... Ou alors on parle, tu sais, de complot. Moi j'aime bien une phrase d'un gars qui a fait aussi l'éducation populaire, comment il s'appelle, qui a fait des conférences gesticulées. Il dit dans le complot, c'est soit n'en voir jamais, soit en voir toujours. Il se positionne un peu au milieu, j'aime bien cette idée parce que c'est vrai de dire il n'y a pas de complot, mais non, c'est dans ta tête, enfin, arrête, il y a quand même un système qui est là, qui est mis en place. Quand on parle oui mais non, il y a quand même une volonté, en tout cas, tu vois, de ne pas voir, disons ça comme ça. Il y a plus qu'une volonté de ne pas voir, il y a une volonté de mettre en place ça, parce qu'il y a quand même des gens qui en bénéficient, c'est pas ça, je veux dire, c'est ça. Alors j'ai pas compris ce que tu disais. Ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de leur volonté et au-delà de tout ce qu'ils peuvent effectivement mettre en place pour que ça soit comme ça et que ça devienne plus comme ça. Mais je veux dire, moi, je me mets dedans, j'en fais partie aussi. Hein, quand je dis « eux », je dis plutôt « nous », parce que nous, on est passifs, en fait. Hein, on pourrait aussi, nous, les gens, comme on parlait au début des gens, là, on pourrait, tu vois, ne pas se laisser faire comme ça et être beaucoup plus actifs, enfin, tu vois, pour ben voilà, moi je parle d'égalité, de justice, comme ça, les rapports de force commencent à être de plus en plus décalés, quoi, enfin voilà. C'est ça que j'avais envie de dire, les gens aussi, c'est pas eux le pouvoir, c'est nous les gens aussi, on laisse faire, quoi. Oui, pas toujours, en fait. Mais oui, on laisse... Oui, parfois on laisse faire, parfois effectivement, parfois on ne sait pas comment faire, parfois on arrive à quand même pas trop se laisser faire. Enfin, voilà. C'est vrai que c'est une époque un peu compliquée, je pense. Il ne faut pas se laisser décourager pour autant. Mais comment dire, tu vois, enfin, citation pour citation, moi je te donnerais la vieille citation de Marx qui dit les hommes font l'histoire mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font. Ce qui veut dire que, effectivement, au-delà du fait qu'il y a une volonté d'imprimer une domination, puisqu'il y a des gens à qui ça arrange très bien, enfin, je veux dire, et qu'il ne faut absolument pas laisser de côté ça. C'est-à-dire, il ne faut pas non plus dire oui, tout est mécanique, c'est comme ça, c'est pas de chance, tu tombes d'un côté et de l'autre. Voilà. Mais je veux dire, au-delà de ça, je pense que. Je ne sais pas, bon, par exemple, tu regardes des choses qui, comme l'omniprésence de la technoscience aujourd'hui. Bon, je pense que personne n'a pensé ça comme ça. Personne n'a dit, ah oui, pour dominer les pauvres, il faut que la technoscience. Ce qu'il y a, par contre, c'est qu'à la fois, il y a l'idée que donner des téléphones portables aux gens, ça peut effectivement être intéressant parce qu'on va leur vendre, qu'il y a tout un tas d'utilisations qui à la fois sont pensées de telle manière qu'ils sont fonctionnels au patron. Enfin, je ne sais pas, moi, bêtement, mon père, par exemple, il n'avait pas de téléphone portable, c'est son patron qui lui en offert un. Et ce n'est pas parce qu'il était gentil, quoi. C'est pourquoi ? Écoute, non, tu peux imaginer. Mais je veux dire, au-delà de ça, le fait que cette manière de communiquer se soit imposée, que le fait de... que ce type de manière, de mode de relation s'impose, etc., est favorable au patron, est favorable au néolibéralisme, est favorable au management, etc. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils l'ont mis en place ni qu'ils le maîtrisent. Donc qu'ils le maîtrisent, ça peut-être pas, mais moi je crois que c'est passé avec le temps, hein, avec le temps. Maintenant je pense comme ça de plus en plus. Après je ne te dis pas, je penserai peut-être autrement, mais j'ai l'impression quand même que, tu sais, il y a qu'à regarder l'être humain. S'il n'est pas éduqué, il a tendance à vouloir écraser l'autre ou alors à en faire ce qu'il veut, tu vois. Et on est précisément dans cette époque-là. Les plus forts veulent manger les plus petits pour être encore plus forts et ils ont besoin de la main-d'œuvre qui fasse travailler un système, quoi. Rendons-les... Enfin, tu vois, moi je crois de moins en moins qu'il n'y a pas une réelle volonté que ça se passe comme ça. Depuis la nuit des temps, je veux dire, si on avait voulu éduquer nos enfants, la nuit des temps, c'est un drôle de mot, hein. Si on avait voulu éduquer nos enfants, qu'ils soient critiques, que ce soit pas la compète, que ce soit vraiment l'épanouissement du collectif et pas individuel, ou en tout cas individuel et collectif, ce serait pas comme ça aujourd'hui. On est en 2017, tu vois, et on est occupé à reculer en arrière comme si on redevenait, il fallait avoir des armes sur soi pour se défendre. Enfin, on se fait toujours la guerre depuis la nuit des temps aussi. Enfin, qu'est-ce qu'on est bête, quoi. Enfin, excuse-moi, s'il n'y a pas une réelle volonté de vous derrière ça, c'est qu'on est vraiment des abrutis, alors. Mais une réelle volonté de domination et que... les hommes ne sont pas gentils comme ça, ni gentils, ni méchants, mais je veux dire, ça, je suis tout à fait d'accord. Enfin, je veux dire, mais il me semble qu'il faut prendre deux niveaux, et qui est aussi le niveau de à partir de quoi cette domination-là est possible. Parce qu'après, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont dominants et que ça les arrange et qui sont prêts à tuer le reste de l'humanité pour garder leurs privilèges. Mais la question de comprendre les mécanismes, c'est comprendre qu'est-ce qui leur permet, eux, d'exister et comment ça leur permet, eux, de rester dominants. Parce que c'est pas eux qui... Quand tu parles de eux, tu peux en quelques mots dire eux, qui ? Je sais pas, non, tous les méchants que tu veux, enfin, je sais pas, Macron, Bill Gates, Trump... Des gens qui gèrent le monde, des gens qui ont le pouvoir... Oui, mais quels qu'ils soient ces gens-là, je pense qu'il y a à comprendre leur stratégie, mais qu'au-delà de leur stratégie, il y a à comprendre les mécanismes qui font que ces stratégies sont possibles. C'est-à-dire que si par exemple, c'est possible de penser les gens en termes de compétences, ce qui est très utile pour un patron de penser les gens en termes de compétences, puisque ça permet... de les flexibiliser, puisque ça... C'est un produit, ça devient un produit, quoi. Tout à fait, puis ça permet de dire que, alors, la formation, c'est une question individuelle, donc c'est à chacun d'avoir sa formation, donc son capital humain. Ça permet de dire que On n'existe jamais en tant que totalité. Donc du coup, voilà, c'est beaucoup plus facile d'exploiter quelqu'un qui vient appliquer une compétence que d'exploiter une personne qui est là. Bref, c'est très utile. Mais en même temps, il y a toute une histoire qui, elle, est beaucoup plus longue, qui est de comment il est possible de penser l'homme d'une manière aussi aberrante que l'effet de cette théorie des compétences. C'est-à-dire que pour qu'on soit capable d'un tel niveau d'abstraction qui nous permette de regarder quelqu'un et réellement voir 10, 15, 20 compétences qu'il peut améliorer, qu'il ne peut pas améliorer, etc. Et ce n'est pas juste les patrons, hein. Enfin, je veux dire, c'est aussi les potes qui vont te parler de ta sortie du samedi soir et te dire qu'il te manque telle compétence. Oui, ça c'est l'idéologie qui marche, ça c'est l'idéologie qui a marché. Non, mais je veux dire, mais pour que ça, ce soit possible, ça pour revenir à la question, c'est-à-dire que... Très clairement, ça, c'est très fonctionnel avec le néolibéralisme. Mais pour que ça marche, il faut beaucoup plus que 15 idéologues néolibéraux. C'est-à-dire que ça avait été juste Hayek, Schultz et 3 ou 4 autres qui ont pensé cette histoire-là des capitales humains, etc. Ça n'aurait pas marché. Qu'est-ce qui fait que ça a marché? Alors là, je n'ai pas suivi. Mais c'est ça qui me semble intéressant, entre autres choses, de comprendre. C'est que il y a des siècles de comment un certain type de regard, d'abstraction de l'être humain, des séparations, des est-ce que c'est l'âme et le corps, puis la conscience et le corps, etc. Donc dire qu'est-ce qui est vraiment quelqu'un. Donc qu'est-ce qui est vraiment quelqu'un à partir des Descartes, bah, quelqu'un est vraiment sa conscience ou son âme, c'est la même chose. Descartes, il peut par exemple imaginer, quand il dit qui suis-je, son fameux cogito, il dit je suis une chose pensante. Et ce n'est que 3 chapitres plus tard qu'il retrouve le fait qu'il avait un corps, par exemple. Bon, il y a tout un processus qui rend ça possible. Et il y a des siècles d'histoire qui rendent ça possible. Donc il faut aussi comprendre ça pour comprendre comment la domination concrète des 1% de connards qu'il y a aujourd'hui est aussi possible. Et ça, ce n'est pas eux qui l'ont mis en place. Eux, ils n'étaient pas capables de mettre en place le fait que 3/4 de l'humanité pensent que quand ils se présentent, ils sont d'abord une chose pensante et qu'ils existent en dehors du corps. Et que si leur corps est comme ci ou comme ça, c'est qu'ils ont eu ou pas de la chance. Non, tu es comme ça, je ne sais pas. Mais si on ne peut pas penser aussi ces mécanismes-là, c'est difficile de contester... concrètement leur domination. Je veux dire, là, bon, si tu veux, on peut aller vers des trucs complètement orthodoxes, Marx ou des trucs comme ça, bah, c'est pareil ce qu'il fait. C'est-à-dire, il dit qu'il y a une histoire de ceci. C'est-à-dire, les capitalistes, ils n'arrêtent pas de dire ce qui se passe, c'est qu'il y a juste de l'offre et la demande, et chacun s'en tire comme il peut. Bah lui dit non, il y a une histoire de ceci. Il y a qu'on a mis en place, il y a tout un système qui s'est mis en place, qui permet qu'il y en a qui n'ont que leur force de travail et qu'il y a d'autres qui ont leur capital. Et ce qu'il leur rappelle, c'est que contrairement à ce qu'ils disent, c'est une histoire extrêmement violente. C'est l'histoire du fait que, par exemple, en Angleterre, jusqu'au XVIIIe siècle, on pendait les mendiants, par exemple, parce qu'il fallait obliger les gens à travailler. Les gens, ils préféraient être mendiants qu'aller travailler. Bon, c'est l'histoire encore plus violente et encore plus cinglante du colonialisme. Il fallait bien qu'on ramène, qu'on accumule assez de richesses pour qu'à un moment donné, il y ait assez des différentiels pour que certains soient réduits à n'avoir que leur force de travail. Et voilà, c'est aussi la possibilité de penser à un moment donné les gens qui, en termes abstraits, c'est-à-dire en termes de force de travail. Bon, mais il y a toute une histoire de ceci. Et si on n'a pas l'histoire de ceci, je pense que ça devient beaucoup plus difficile de contester. Puisqu'on se cantonne à ne voir que les stratégies des puissants sans regarder où est-ce que ça se joue, ces stratégies. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait, dans quelle histoire cette stratégie-là est possible. Mais je ne sais pas si j'étais assez clair. Je suis, mais oui. Mais après, il faudrait réécouter ou mettre, tu reprends pour expliquer le management et toute cette logique-là qui fait qu'on est simplement un produit avec diverses compétences. Ça justifie le fait qu'on peut faire n'importe comment, quelque part. C'est ça que tu dis ? Mais en tout cas, tu rappelles toute l'histoire. Tu rappelles toute l'histoire que c'est pas arrivé comme ça demain. C'est arrivé hier, avant-hier. C'est tout un système qu'il a mis en place depuis longtemps. Oui, mais j'ai envie de dire. Oui, mais alors, est-ce qu'on n'est pas capable de faire autrement? Est-ce que ça suit bien ta pensée? Mais faire autrement, ou certainement, je pense qu'on fait autrement. Ce que je pense pas, c'est qu'on peut, comme dans tout un tas d'utopies, se mettre tous d'accord un jour et dire que, avec notre bonne volonté, on décide comment le monde doit être bien et que le monde d'après soit bien. Ça, je pense pas. Par contre, je pense que. Mais il y a eu des combats menés, Guillermo. Il y a eu des choses fabuleuses qui se sont passées au niveau de la santé. Il y a eu des droits qui ont été gagnés. Enfin, il faut pas oublier tout ça. On est capable du pire comme on est capable du meilleur. Hein. Tu connais cette phrase? Tout à fait. Et c'est dans les pires qu'on est les meilleurs, c'est ça? Ça, c'est pas sûr. Non, mais tout à fait, je pense qu'on peut. J'essaie de suivre ta pensée. Je pense que on peut, en comprenant les mécanismes dans lesquels on est, aujourd'hui, essayer de prendre d'autres chemins. Qu'est-ce que ça prend? Moi, par exemple, l'idée de penser en termes d'image, ce que j'essaie de dire aussi, dans le sens où image, c'est à la fois, il y a des corps, et puis il y a aussi du corps, parce qu'on regarde, on écoute, etc. Donc, essayer de repenser le fait que bêtement, on a un corps, hein, enfin, des choses qui est. Qui semble de moins en moins évident. Il me semble qu'il y a par là des sortes de tangentes, effectivement. C'est-à-dire que ce qui s'opposerait, par exemple, au management, ce qui s'opposerait au management notamment, c'est rappeler qu'effectivement, entre autres choses, tout n'est pas possible parce qu'on a un corps. On a un corps, tu parles de notre corps physique là? Je pense que bêtement revenir à on a un corps physique et penser ça, hein, et penser à partir du fait qu'on a un corps physique, qu'on n'est pas un pur esprit, que du coup ce qu'on est ne peut pas être traduit dans des informations abstraites et traité dans des modèles qui ne prennent en compte finalement que des informations abstraites, puisqu'il faut bien à un moment donné discrétiser, choisir des informations, etc., modéliser. Bon, je pense que tout ceci serait, par exemple, un mode de résistance. Mais là, il y a la technoscience qui est. Mais c'est quoi ce bruit-là? Il n'y a même plus de. Ah oui, il est là, le monsieur. Ouais. Donc, c'est un monsieur qui chipote à la cafétéria, à la médiathèque. Ouais. Mais voilà, de toute façon, on arrive à la fin. Est-ce que tu as tout dit ce que tu voulais dire, ou il y a des choses que tu voulais préciser sur ce que tu as dit? Ça va. On attend. Ah voilà, de nouveau. On serait cru ou chez le dentiste, non? Parce que moi j'ai le bruit dans les oreilles. Tout à fait. En plus de ça, on a eu le bruit et comme il répare la machine, on n'a même pas eu de café. Mais non, je sais pas, tu me demandais peut-être par rapport. De toute façon, moi je vais. Oui. Une chose qui. Oui, il n'y a pas de souci. C'est la vie, hein? C'est entre le monde de la matière et les penseurs ici, tu vois, dans les trucs physiques, on travaille, c'est du tangible, quoi. Et nous, on est là, j'adore. Et du coup, on aura du café ou pas? Peut-être. Non, je ne sais pas, peut-être un élément comme ça que j'avais noté, je ne sais plus, on a un peu revenu comme ça, mais de manière un peu marginale. C'est l'idée de... c'est intéressant de... Voilà, mais il n'était pas d'accord. Et déplacer les choses dans une histoire, et que... Mais que je pense que la manière de construire l'histoire dans laquelle on place les choses est essentielle. C'est-à-dire, le fait que, notamment dans la télévision, etc., quand on va faire une histoire, l'histoire est construite de manière cohérente et linéaire. C'est-à-dire, il s'est passé ceci, il s'est passé cela, et c'est comme ça qu'on est arrivé là où on est. Ce qui me semble intéressant, bon, c'est dans les films de Fellini, etc., c'est l'idée que l'histoire, ce n'est pas une espèce de d'autoroute comme ça qui fait qu'on est arrivé là où on est. Ça, c'est toujours l'histoire de celui qui veut justifier sa vérité. C'est-à-dire, on est ici parce qu'il s'est passé tout ceci, alors paf, on est ici. Mais aller retrouver dans l'histoire tous les conflits et toutes les rencontres, tous les hasards, mais surtout tous les conflits qui ont fait qu'on est là où on est. Parce que réactualiser ces conflits-là, redire que non, là où on ne voit qu'une autoroute qui nous amenait là où on est, non, c'était pas une autoroute, c'était tout un tas de conflits et des choses écrasées, d'autres qui sont apparues, etc. Mais en tout cas, tout un tas d'oppositions qui ont existé. Je pense que c'est la possibilité de retrouver cette histoire et de réactualiser des conflits est une des manières de résistance aujourd'hui. C'est ça que tu veux dire pour mieux comprendre ce qui se joue alors? Je pense que c'est... oui, pas juste pour mieux comprendre, mais pour mieux comprendre de manière tout à fait... pragmatique, dans le sens de mieux comprendre pour mieux résister, parce que c'est la question, c'est pas juste d'avoir de savoir ce qui s'est passé. Je veux dire, c'est pas savoir pour savoir, c'est pas raconter des histoires, enfin c'est pas regarder des histoires pour la culture générale. Je pense que c'est regarder des histoires pour voir quels sont les conflits larvés qu'on a lissés, qu'on a un peu enterrés, etc. Et que, justement, il serait question de réactualiser pour pouvoir résister aujourd'hui. Ok. Super. T'as dit tout ce que tu voulais, Guillermo? Je pense, oui. En tout cas, j'ai dit beaucoup, beaucoup trop de choses, non? En tout cas, c'est intéressant. Voilà, c'est intéressant. Merci à toi.